بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات عن درس العلم والجهل. طيب ما معنى أفقه؟ اسم تفضيل الفقيه. تبديد. Ça c'est l'aftatatun. Tabdid. Ah oui, c'est le dé à l'ouart ou le mal. Aïe wa bila faïda. Ma ma'na akfan. La seule. Le dé la seule. Non. Jam kafan. Ma ma'na jadira. Jadira. مستحق ميريت. ما معنى حشائش؟ جمع حشيش. ما معنى ورثه؟ أريتي. ما معنى الخاويه؟ فيد. نعم. Ce texte là, c'est que celui du Rahman, c'est que celui du père pour son fils. Ce sont des même le texte de la femme, le travail de la femme. Ce sont des textes corrects. Alhamdoulilah, tu apprends des choses, il n'y a pas de mukhalafat, rien. Et fi fahida diniya, taman. Taïb, on trouve fi, ma fi tadrib. Il n'y a rien. On rentre dans le Rabi wa Khamis wa Ashar, 15e vers. Pour Eid al-Safar. ولا رحلات مش كنا رحلات بفتح بكثر الراء les avantages du voyage سفر ورحلات c'est le même sens. رحلة c'est une sortie, معنى يعني سفر, c'est مرادف. العلا. Al-Ula, c'est le féminin de A'la. Attends, je vérifie ce qui m'apparaît, mais des fois. Je n'ai pas vérifié ce qui paraissait évident. Ah, ils l'ont même pas mis. Ah, ici. Ouais, c'est ça. Elle mène zélé à Rafia. Il y a un ifmin de min a'la. Une chose qui est haute, quoi. Tafarraja, yatafarraju, la manasse d'awel l'himam. C'est à la base se soulager, se délivrer des fardeaux. Majid, معنى يعني célèbre, illustre. Iqtaraba, iqtaribu, معنى hajara, sens de migrer. An-nasab, معنى al-ta'ab, la fatigue. Malal, c'est la lassitude. Fi'a, c'est un groupe jaba yujabu, c'est le fait de subir quelque chose. Si'ab, ma'na su'ubat, difficulté. da'ama yuda'imu, c'est le sens de fournir. Mawa'id, c'est le djem de mawa'id, c'est les rendez-vous. Hawla hada. Rahala, djem, rahal, celui qui voyage beaucoup. C'est le ism sirat mubalagha, la wasfa'al. Rahala, c'est son pluriel. Dawwana yudawwinu, ça c'est le fait de c'est le fait d'écrire les choses, noter les choses, répertorier les choses également. Qurun jam qarn, yani un siècle, là c'est le pluriel. Al muqam, al muqam, est-ce qu'ils veulent parler le sens de maqam? Mana iqama, une période de séjour, temps de séjour. Atarwih, kazalik, c'est c'est le fait de faire partir. Oui, ils veulent, je pense, le fait de faire partie ou de faire oublier les soucis. Maramin. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Maramin. Lam ajido. Athra yuthri, c'est s'enrichir, s'enrichir après, s'enrichir. Taïb. Au début, on commence par des habits de poésie, on va pas les prendre. On va prendre mubashara an-nas. Qala. Ah oui, c'est bien Rihra. C'est un kasra, donc il y a une erreur dans le titre. Rihratu hiya mughadaratu makan makan liqama wal amal ila makan akhar tahdifu li tajdid an-nashat wa tarwih an an-nafs. Donc Rihra, c'est le fait de quitter le lieu où on vit, lieu de résidence ou de travail, pour aller vers un autre lieu, en but de reprendre de l'énergie, une remise en forme, et de soulager le nefs. Mimma yakunu kod asabaha min malal, de ce qu'elle a pu avoir été atteinte comme lassitude. Wa ana fil amal, et comme surmenage également pour le travail. Wa takhtalifu rihlat fi anwa'iha wa ahdafiha. Donc ces voyages diffèrent dans leur genre et dans leur but. فَمِنْهَا رِحْلَاتُ الطَّلَّابِيَّةِ. Donc là, tu as les rihlat talabiyya, je pense qu'il veut dire par là, pour chercher quelque chose de particulier. Non, ça c'était pour l'ilm, ils auraient dit dirasiyya. رِحْلَاتُ الْأُسْرَائِيَّةِ, les sorties familiales. Ou rihlat al-amilin, ou les sorties des travailleurs. Ou hunaka al-asfar al-fardiyya, il y a également des voyages individuels. Bah, peut-être tout le biais veut dire des sorties scolaires, tu vois, en groupe. Naam. Allati takunu li qada'i 'amal aw tijaratin aw dirasa. Donc des voyages individuels qui sont eux à but d'accomplir un travail ou un commerce ou une étude. Ou ilaj, ou pour se soigner. Ou qada ijaza, ou pour passer les vacances. وإذا كان الإنسان يسافر ويهاجر فإن الطيور تسافر وتهاجر. Et si jamais l'homme voyage et émigre, également les oiseaux voyagent et émigrent. هذا يذكرني بكلام الشيخ العباد qui avait été interrogé sur quelqu'un qui fait la hijra en Italie, je crois. Et il a dit هذه هجرة الطيور. C'est l'immigration des oiseaux, c'est pas une hijra sharia. Il n'y a pas de hijra en pays de Kufr. Il était clair dans ce qu'il disait. Ce qui est un KLM qui devrait remettre en place ceux qui disent qu'ils vont faire la hijra en Angleterre. Ça reste un pays de kufr, même si c'est plus facile à faire la hijra, ou plutôt de vivre l'islam en Angleterre qu'en France, ça on ne le nie pas, ça c'est un pays de kufr. Il y a plein de pays de kufr où la hijra, l'islam est plus facile à pratiquer. Ah oui. Ça ne s'appelle pas une hijra shari'a. Shari'a, c'est ça qui est une tikal mbelad al-kufr, mbelad al-kufr, ou shirk, qui est le mbelad al-islam. Donc, à partir du moment où tu as des pays d'islam qui sont là, tu vas en pays d'islam, ça c'est une hijra. Et bien tu vas ailleurs, tu dis ça c'est firar bid-din. Tu fuis avec ta religion vers un endroit qui est meilleur. Mais ça c'est pas de l'hijra. Parce que là-bas, les gens ils sont pas là pour t'accueillir pour ta religion. Rien du tout. Mais même si c'est moindre, l'Angleterre par exemple, c'est un pays, normalement l'hijra est obligatoire l'Angleterre. C'est un pays où l'hijra est obligatoire. Ils sont moins chadites sur les musulmines en Angleterre, mais c'est pas un pays où tu peux pratiquer ta religion ouvertement et tranquillement. Ça c'est pas vrai. Et plusieurs francs d'Angleterre le témoignent. L'Azan, tu peux pas le faire l'Azan. Ce point-là, tout seul, chez en famille, il y a suffi à dire que ce pays-là, tu ne peux pas y rester. Même ton kamis, ta barbe, ta femme, elle est en hijab, tu fais des 5 khams salawat. Il a dit, c'est pas ça, il y a comme un tête d'in. Ils ont le d'in, c'est pas ça. C'est bien plus large que ça. Qala wa tatruku a'shashaha li tabniya a'shashan ukhra fi bilad na'iya. Donc, les oiseaux délaissent leur nid pour aller faire des nids dans d'autres pays. Et Naïa, j'ai pas trouvé non plus. Puis elle revient. Puis ils reviennent. Ce qu'on appelle les oiseaux migrateurs. Qui partent et qui reviennent en fonction des saisons. Il est Aoutaniha qui reviennent vers leur pays. Leur lieu de vie. Wal asmak fil bihar wal muhitat tuhajir. Et même les poissons dans les mers, dans les océans, émigrent. Et que les savants, ils parlent des scientifiques là, ont surveillé, observé l'immigration des oiseaux et des poissons. Qu'ils ont connu leur période ainsi qu'ils ont pu surveiller et annuler les périodes et les lieux où ils se rendaient. Wa fil arab wal muslimina rahalatun qudama jabu al balad wa ashu ahlaha. Afwan jabu, non, je me trompe tout à l'heure. J'ai confondu avec un autre. Jabu, c'est parcourir. Afwan, corrige. Jaba yujabu ou yajabu, c'est parcourir. J'ai confondu avec un autre verbe. Je crois que c'est ana, voilà. Ana, ce qui veut dire subir. Ana yu'ani. Mais comme c'est dans le même texte, j'ai confondu tout à l'heure. Jaba. Ma'ana parcourir. Donc là, même chez les Arabes, des musulmines, il y avait des groupes de voyageurs, parmi les anciens, qui parcouraient les pays et fréquentaient les gens des pays différents. Wajaou bi akhbariha, qui revenaient avec leurs informations. Ils partaient et ils revenaient en nous informant de ce qui se passait ailleurs. Wadawwanu ahwalahum fi rihlatihim, et qu'ils notaient leur situation lors de leur voyage. Kibnu Batuta wa Nasir Kharasu wa Khassaru wa Ahmed ibn Majid. Là sont des noms de grands voyageurs, je ne les connais pas. Wa kana min Arabiyin rahalatun akharun. ارتحلوا لاكتشاف بلاد جديدة والاستعمار والتجارة منذ قرون قليلة. Également chez les Européens, il y avait des groupes de voyageurs qui voyageaient pour faire des découvertes, pour découvrir d'autres pays, ou pour les coloniser, ou pour le commerce, depuis de nombreux siècles. Non, mais ils ont fait beaucoup de mal, ces gens-là. Les Occidentaux, quand ils veulent partir dans un autre pays et s'imposer, et décimer et tuer tout le monde pour s'instaurer. À la marouf. ولقد اهتم الانسان بالرحلات في هذا العصر. Donc l'humain a donné beaucoup d'importance au voyage en cette époque. وذلك بفضل تطور وسائل المواصلات. Ça parle la grâce du développement des moyens de transport. وصار لا يعاني ما كان يجابه من من سبقوه من صعاب السفر. Allez, voilà, c'est celui-là. Et qui s'est mis à aujourd'hui ne subit plus, n'endure plus ce qu'endurait ce qui aujourd'hui il ne subit plus, n'endure plus ce qu'enduraient les autres avant lui qui parcouraient dans le monde comme difficulté du voyage. Parce qu'avant les voyages, les gens ils partaient ou à pied ou en monture comme les chevaux ou les chameaux, ou les bateaux anciens. Aujourd'hui c'est plus comme ça. Moins de transport, très facile. Maintenant, attention, Masala Fikriya, que la facilité de ce transport et leur confort n'enlèvent pas les règles du Moussafir. Parce qu'avant, on disait, Masalan, un voyage, Masalan, tu peux ne pas jeûner parce que c'est difficile. Maintenant, quelqu'un va te dire, moi je suis dans l'avion, le hukm ne marche plus. Il dit, si, il est toujours effectif. Ou le qasr, le fait de rejeter le salawat, tout ça, même si tu es en voiture confortable, tu es en car ou quoi, ça reste pareil, c'est les mêmes règles. Bien que le safar avant était beaucoup plus dur, mais là, chèque. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le safar kitatun min azab. Que le safar, c'est une partie du châtiment. Aujourd'hui, on a dit, le voyage, c'est devenu vraiment très, très reposant. Là, il y a le moins de transport, je parle. À la colline, là, il y aurait l'arkham. C'est les mêmes règles de voyage. وقد ساعدت الرحلات على اكتشاف مناطق عديدة في العالم كأمريكا. Et que ces voyages ont aidé à découvrir de nouvelles régions, plusieurs régions dans le monde, comme l'Amérique, مثلا. والقطب الجنوبي والشمالي وغيرها. Comme le pôle nord, le pôle sud et autres que. Souvent on fait l'erreur, même moi d'ailleurs, on dit Shamel. Shimel, c'est la gauche. Shamel, bifath, Ashin, c'est le nord. Souvent, on dit Shimel tout le temps. On ne fait pas attention. Un frère, une fois, il l'appelle Tambi. C'est vrai que le nord, c'est Shamel. Bifath, Ashin. Et la gauche, c'est Shimel. Bikasr, Ashin. طيب ناخذ بعض الاعرابات c'est court hein, parce qu'on est parti du texte qu'on n'a pas lu la poésie là. طيب تحت écrit فمنها الرحلات الطلابية ouais c'est طلابية en fait. Alors, c'est les sorties de groupe scolaire. فمنها الرحلات الطلابية ما يعلب فمنها الرحلات الطلابية ستياغي فمنها خبر أحسنت جرى مجرور صارت جرى مجرور خبر مقدم الرحلات هذا منتدى نعم والطلابية نعم نعت وإذا كان الإنسان يسافر ويهاجر هات إعراب كان الإنسان يسافر كان في الماضي من العالم كما خلق من الإعراب الإنسان نعم الإنسان اسم كان اسم كان أحسنت مرفوع على مترفعي الضمادة على الظاهرة على آخره نعم يسافر يهاجر enlève kana, كيف كان كيف الجملة؟ الإنسان يسافر. طيب ستقول يا رب يسافر. طيب في علم لا فراز ان سوا سي كوا ما يعربها انسان سوا تي كوا سو يعرب انسان سان سان كان مبتدا يسافر سوا تي كوا فاعل خبر ايوه جمله فعليه ولا نفس الشيء اللي خبر كان بس لا جمله وي خلاص جمله فعليه في محل نصب خبر كان سي لي ميم ريغل كو لو مبتدا وخبر لا لا ما يلزم تبات في محل وتبات aussi un اسم مبني وتبات ان جار ماجور تبات ان ظرف كان زيد عندك مثلا سي لي ميم احكام كو مبتدا وخبر سوف كو تجوجوت كان ابخا تو شونج لو لي تيرم C'est faire faire rien khabar kana non et non فعل المضارع منصوب بأن والمرة جوازا أحسنت وعلامة نصبه الفتحة نعم نعم طيب وآخرا في الصفحة التي بعدها هنا وصار لا يعاني ما كان ما كان يجا يجاهبه يجابه أفضل ما كان يجابه وصار لا يعاني ما كان يجابه صار في الماضي مبني على الفتح وراح لم يعرف لا طيب صار ثم لا بس لا نفيا صح لا نفيا يعني لا في المضارع في المضارع ماذا يعني يعني في المضارع المرفوع وعلامة رفعه ضمها المقدرة من عامل ظهرية افتقال ايوه كن سارة اللي هو صن مرفوع. donc du coup voilà سارة c'est la phrase de avant tout. سارة. كان. نعم. الجملة إن اسمها إن اسم سارة. ضمير مستتر ضمير مستتر تقديره هو. أيوه. هذا اسم سارة وخبر سارة ويعاني ايوه الجملة الفعلية الجملة الفعلية خبر في محل رفع في محل نصب عفوا نصب خبر سارة احسن طيب سؤال اخر سؤال قلت لا يعاني الضمائر مقدرة معنى من ظهورها الثقل اي لتبنية également finit par ايا الى حركات اللي بريزونت كيف هذا؟ التبنية نعم لأن الفتحة سي فاسيل أيوة الفعل المعطى الآخر بالياء يقبل الفتحة عند النصب يعني لا أكسبت با لا ضمة مي لا أكسبت لا فتحة خلاص سنكتفي بهذا اليوم إن شاء الله وباقي آخر درس ثم بفضل الله تعالى كملنا الكتاب خلاص درس واحد تمام فعل هنا والحمد لله رب العالمين